Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Tout le monde, ou presque, a eu un téléphone Nokia dans sa vie, à condition de vivre depuis plus de 40 ans. Plus personne, ou presque, n'a de Nokia, à moins d'être collectionneur ou fétichiste. Comment expliquer cette disparition? Le dernier épisode en date, c'était en 2017. De l'amertume et de la colère ce matin pour ces 300 salariés de Nokia, après l'annonce de près de 600 suppressions d'emplois ici à Lannion et en région parisienne. Un coup dur après le rachat de leur entreprise Alcatel-Lucent il y a 2 ans par le groupe finlandais. Il y avait eu des engagements, oui, qui sont toujours pas tenus pour l'instant, avec des emplois qui n'arrivent pas. Ils tiennent leur promesse, hein, ils avaient dit qu'ils ne feraient pas de licenciement pendant 2 ans. En fait, c'était plus une promesse de reprendre un plan 2 ans après, quoi. Des promesses faites en 2015. Nokia promet alors de recruter 500 salariés en France dans la recherche et développement. Une chance pour l'entreprise, explique alors Emmanuel Macron, ministre de l'économie à l'époque. C'est une bonne opération pour Alcatel-Lucent, parce que c'est une opération d'avenir. Parce que nous construisons à travers ce rapprochement la reconquête d'Alcatel-Lucent, qui était une entreprise en très grande difficulté. 2 ans plus tard, ce nouveau plan social provoque la colère des syndicats, reçu ce matin à Bercy. On est là pour montrer que quelqu'un n'a pas respecté ses engagements et que quelqu'un d'autre, en l'occurrence le ministère et M. Macron par derrière, doit les faire respecter. Le gouvernement dit suivre le dossier de près et affirme vouloir s'expliquer avec la direction de Nokia. Yves Dose, vous êtes professeur à l'INSEAD. Vous avez écrit un livre intitulé Ringtone aux éditions Oxford University Press. Ringtone parce que l'une des seules choses dont on se souvient de Nokia, même si on n'en a pas eu d'ailleurs, c'est une sonnerie caractéristique. Vous allez y avoir droit d'ailleurs tout à l'heure. Yves Dose, pour faillir grandement, il faut d'abord réussir grandement. Et Nokia a été une entreprise extrêmement performante. Il faut que vous le rappeliez aux plus jeunes qui nous écoutent. Oui, effectivement, Nokia a eu un succès extraordinaire dans les années 90 et a été vraiment le fer de lance du développement des premiers portables. Ils avaient un avantage technologique, ils ont développé une application, une utilisation des téléphones qui était une utilisation grand public, alors qu'à l'époque, il ne faut pas l'oublier, les spécialistes de l'industrie s'interrogeaient pour savoir si les portables allaient aller jusqu'au chauffeur de taxi ou allaient s'arrêter aux ambulances et à la police. Donc si vous voulez, l'idée que ça soit devienne un bien de grande consommation et que tout le monde en ait, n'était pas du tout dans la tradition ni dans la culture de l'époque. Nokia a complètement changé la donne en disant « Mais si, c'est un bien de grande consommation, on va créer une marque, on va créer une image distinctive, un design distinctif. » Inspiré un peu par Sony et le fameux Walkman de Sony, ils ont lancé en fait une série de téléphones. Ils ont réussi à construire un système de production extraordinaire. Il n'y a eu aucune entreprise qui a grandi aussi vite. Ils fabriquaient des centaines de milliers de téléphones portables par jour. Et c'est une petite machine, ça paraît simple, mais ça n'est pas du tout. Il y a 200 et quelques composants. C'est assez complexe à construire. Pourquoi c'est assez complexe à faire fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes de connectivité qui passent entre des fréquences digitales et analogues, parce qu'il y a tout un système de contrôle à l'intérieur. Ça demande beaucoup de puissance de communication, ça demande une certaine puissance de calcul. C'est de plus en plus devenu ce que vous pourriez appeler un ordinateur de poche. Mais dès l'origine, c'était en fait un produit complexe. Donc ça n'avait l'air de rien comme ça, c'était un petit truc qu'on avait dans sa poche, mais c'était très difficile à fabriquer. Alors moi j'ai eu évidemment un Nokia, vous aussi j'imagine Yves Dose, c'était très petit, ça avait une grande autonomie et c'était pas si cher que ça. Oui, absolument. Donc merveilleux. C'était merveilleux, surtout si vous vous souvenez qu'à l'époque, encore une fois, ceux qui ont plus de 40 ans s'en souviendront, l'alternative, c'était les téléphones publics, les kiosques au bord des routes, le bruit, les pièces de monnaie, la pluie, etc., la saleté. Donc si vous voulez, c'est une innovation qui avait une valeur intrinsèque énorme par rapport à ce qui existait avant les téléphones portables. Alors la question qu'on se pose tous du coup, c'est pourquoi aujourd'hui Nokia a-t-il complètement disparu? Alors pas complètement, puisque la marque perdure, et donc il y a un retour vintage de Nokia. Mais enfin, aujourd'hui, si vous offrez un Nokia à un ado, vous risquez de vous faire recevoir, parce que ça n'est évidemment pas cela qu'il veut avoir. Nokia, pour le dire vite, a raté le virage du smartphone. Expliquez-nous pourquoi, vous qui avez consacré différentes recherches à ce sujet. Alors, si on essaye de rester assez simple, parce que comme dans toutes les histoires d'échecs, il y a beaucoup de phénomènes qui s'entremêlent et qui s'enchaînent. Mais si on essaye de garder le fil directeur, qu'est-ce qui s'est passé? Au début des années 2000, Nokia était au sommet de son succès, 40% ou presque de part de marché mondial, une valeur en bourse extraordinaire, une entreprise fantastique. Mais ils ont voulu continuer la croissance. Ils n'ont pas voulu manager cette transition entre finalement croissance rapide, entreprise plus mûre, etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour la croissance? Ils sont arrivés à un schéma de segmentation des marchés fondé sur le style de vie ou le mode de vie des gens. Donc on ferait des téléphones plus orientés vidéo, musique, on ferait des téléphones orientés image, photographie, on ferait des téléphones orientés professionnels, internet, etc. Donc si vous voulez, une prolifération des produits dans une tentative de différenciation qui répondait à des besoins de consommateurs qu'ils espéraient voir très hétérogènes et très différents les uns des autres. Pourquoi était-ce une mauvaise idée? Parce que, a priori, pour une entreprise, poursuivre sa croissance, c'est ce que chaque entreprise fait. C'était pas a priori nécessairement une mauvaise idée. C'est que la façon dont ils s'y sont pris est devenue finalement impossible. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans une telle politique de prolifération de produits. À un certain moment, Nokia introduisait un nouveau produit par semaine, voire plus. Chacun de ces produits, ça c'est un problème, une question un peu technique de mode de fonctionnement, chacun de ces produits demandait en fait un effort de développement, y compris de logiciels assez considérable. Donc ils ont fini à un certain moment par finalement s'effondrer sous leur propre poids. Et ça, c'était avant Apple. Il faut bien comprendre que quand Apple est arrivé en 2007, d'abord le succès d'Apple n'a pas été immédiat. Android est arrivé avec Google l'année d'après. Là aussi, le succès n'a pas été tout à fait immédiat. C'est seulement en 2010 vraiment que Nokia s'est effondré face à Apple et Google. Mais en fait, les sources de l'effondrement remontent au début, au milieu des années 2000, 2005, 2004. Ils ont adopté une organisation matricielle, entre guillemets, c'est-à-dire avec des lignes de produits, des chefs de produits d'un côté et des plateformes de ressources de l'autre, sans mettre en place des systèmes de coordination, de résolution des conflits, de mode de fonctionnement, si vous voulez. Donc ça a été, au lieu d'être une source de force, ça a été une source de paralysie. Pourquoi? Parce que ça donnait quoi concrètement? Puisque s'ils sortaient des produits à jet continu, c'est ce que vous dites, ça veut dire que l'entreprise avait quand même beaucoup de vitalité. Vous avez raison, mais alors, vous avez absolument raison. Mais le problème, c'est que ces produits, face à leurs demandes en développement logiciel, face à leur complexité, face à des ressources limitées, étaient d'une qualité déclinante. Donc les clients, les utilisateurs, à partir des années 2006, 2008, 2010, ont commencé à avoir les produits Nokia en disant « mais ces trucs-là ne fonctionnent pas, ne fonctionnent pas aussi bien que ce à quoi on s'attendait ». Encore une fois, ils partaient d'une image de marque fantastique. Et à partir du moment où il y avait des alternatives, finalement, beaucoup de distributeurs, les sociétés de télécom et même des clients utilisateurs finales se sont détournés de Nokia. Alors, ce qu'il y a de terrible, Yves Dose, dans le cas de Nokia, c'est que Nokia a été particulièrement visionnaire. L'un des premiers Nokia que j'ai eu, il avait un appareil photo. Bon, aujourd'hui, c'est d'une banalité confondante, mais à l'époque, on ne comprenait pas très bien pourquoi il fallait un appareil photo sur un téléphone. Nokia a eu l'idée de faire une console de jeu téléphone. C'était une très bonne idée. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, essentiellement, si vous voulez, ils ont essayé de faire quelque chose qui, d'un point de vue stratégique, en termes de stratégie d'entreprise, était très difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire à la fois d'avoir une très grande diversification et différenciation de leurs produits et de contrôler leurs coûts de façon extrêmement tatillonne et extrêmement serrée. Ce qui veut dire, par exemple, que quand ils ont essayé de faire des téléphones qui étaient aussi des consoles de jeu, comme vous le disiez, les calculateurs à l'intérieur, les composants n'étaient pas suffisamment puissants. Donc finalement, les développeurs de jeux vidéo se sont détournés de Nokia en disant nos jeux les plus avancés marchent pas bien sur vous aussi, et finalement les gens vont se retourner contre le jeu, alors que c'est pas du tout la faute du jeu, c'est la faute de votre téléphone. La même chose s'est un peu produite autour des systèmes d'entreprise. Les entreprises exigeaient ou demandaient plus que ce que Nokia était capable de fournir. Donc si vous voulez, ça faisait partie de cette dynamique où ils ont commencé à décevoir leurs clients et où ils se sont enfermés dans un cercle où finalement, de plus en plus, ils étaient dans un mode de déclin. Laissez-moi juste peut-être vous donner une seconde d'anecdote. J'avais dans un de mes séminaires un cadre supérieur de Microsoft il y a quelques années. Et on a un cas où on décrit justement les difficultés de Nokia en 2010. Et on dit Nokia avait 15 000 ingénieurs de développement logiciel. Ce monsieur de Microsoft, à la fin du cours, vient me voir en disant « Vous savez, il y a une faute de frappe dans votre cas, c'est pas 15 000, c'est 1500, hein, les ingénieurs. » Alors je lui dis « Non, non, on a bien recherché, c'est bien 15 000. » Mais écoutez, c'est pas possible. Nous, chez Microsoft, on n'en a jamais eu plus de 4 000. Ça vous donne une idée de l'inefficacité extraordinaire que de Nokia, au milieu des années, il parlait des années 2008, 9, 10, là. Mais ce qu'il y a de fascinant là aussi dans vos travaux, Yves Doze, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on a affaire à une société qui a tout compris et qui n'arrive à rien. Parce que on peut avoir des sociétés qui ne comprennent pas un virage. Mmh. Mais eux, ils avaient à peu près tous les éléments pour faire le téléphone. Et donc la question qu'on se pose, c'est par exemple, est-ce qu'il y a un parallélisme à faire entre Nokia et des entreprises qui étaient dans le secteur photographique argentique avec pellicule quand il s'est agi de faire un virage vers la photographie numérique? Absolument, vous avez raison. Le paradoxe qui est peut-être le plus triste au sujet de Nokia, c'est qu'il contrôlait très bien intellectuellement, il comprenait très bien, il contrôlait intellectuellement ce qui se passait. Ils étaient même ils arrivaient à l'influencer en termes de négociations, de choix de standards, etc. À l'intérieur de l'organisation, c'était la paralysie la plus complète parce qu'ils avaient décentralisé beaucoup de responsabilités à cette prolifération de lignes de produits dont chacune développait ses propres produits un peu dans l'ignorance des autres, était en rivalité avec le reste de l'organisation pour l'allocation des ressources de développement, dans une culture qui est passée d'une culture de collaboration à une culture de compétition et de conflit, où finalement les énergies se dissipaient dans des combats internes pour savoir qui aurait quelles ressources et qui pourrait mettre quel type de caractéristiques sur ce produit. Bon, et progressivement, c'est une paralysie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une paralysie interne, si vous voulez. C'est ça la chose qui est très triste. Qui comprenait? Ils auraient très bien su comment, en principe, s'adapter. Ils ont essayé, d'ailleurs, de s'adapter à la transition vers les plateformes, vers les smartphones, etc. Ils n'ont pas su réorganiser, mobiliser l'organisation, mobiliser les gens, faire évoluer la culture. C'est une culture qui était très physique, très basée sur des produits très tangibles, qui était préoccupé par comment est-ce qu'on fabrique ces équipements compliqués. Mmh. Et on leur a dit, mais il faut passer sur des plateformes, du logiciel, c'est virtuel, c'est des écosystèmes, c'est des systèmes de création de valeur où il y a plusieurs partenaires, etc. C'est-à-dire, en fait, sous-traiter la fabrication. Pas seulement sous-traiter la fabrication, mais aussi développer, par exemple, dans la musique, si vous voulez, développer des alliances avec des fournisseurs de contenu, de musique ou de vidéo, développer des collaborations avec des distributeurs, avec des stations de radio, etc. Bon, et ça, ils n'ont pas su faire. Mais alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est si vous comparez Apple. Vous avez dit tout à l'heure qu'Apple n'avait pas réussi tout de suite. Expliquez-nous pourquoi, d'ailleurs. Apple a mis environ 3 ans à devenir un facteur très significatif en termes de volume et de marge, etc. Donc, ils ont lancé l'iPhone en 2007. Et il a fallu, en gros, 2010 pour qu'ils arrivent à un grand succès. Alors, au départ, l'iPhone, et là, les gens de Nokia étaient critiques, mais ils n'avaient pas tort, l'iPhone n'était pas un très bon produit. Donc c'était assez facile pour Nokia de dire oui, bon, c'est un ordinateur de poche avec une connexion mobile télécom pas très bonne. Pourquoi? Parce qu'on téléphonait mal avec l'iPhone? Parce que l'iPhone était d'une performance inférieure sur la fonction communication voix, si vous voulez, sur la conversation. Oui, ce qui peut être gênant pour un téléphone. Ce qui est gênant pour un téléphone, absolument, était inférieur à Nokia et à tous les autres. Bon, et l'iPhone s'est progressivement amélioré au fil des mois et des années. Il y a eu des révisions des modèles, etc. Par contre, ce que Nokia n'a pas compris du tout, c'est qu'indépendamment de la qualité du téléphone, il allait complètement changer les règles du jeu. On allait passer d'une sorte de segmentation avec des groupes de clients à une adaptation individualisée de masse, ce qu'en anglais on appelle mass customization, où finalement c'est vous qui composez votre téléphone à partir des applications que vous chargez dessus. Et donc vous définissez, vous à titre individuel, votre propre fonctionnalité. Et l'immense puissance d'Apple, ça a été ce changement. Et Nokia a continué à dire non, on va continuer à développer de plus en plus de modèles, chaque modèle étant adapté à un groupe de clients ou à un autre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est devenu une usine à gaz. Et en plus, c'était extrêmement conflictuel parce que les ressources en interne n'étaient pas suffisantes pour faire tout ça. Mais alors ça, c'est un peu la question du Titanic. On voit l'iceberg, pourquoi n'y a-t-il pas la possibilité de changer de cap? Pourquoi Nokia n'a pas vu que ce qui se passait avec l'apparition des smartphones, puisqu'en fait, c'est ça qu'ils ont loupé, Yves Doze. Pourquoi ils se sont pas dit qu'il fallait changer immédiatement de stratégie? Alors, il y a une autre dimension que vous devez retrouver dans beaucoup de situations d'échec, quelles qu'elles soient, qui est que les dirigeants, les leaders de Nokia, qui avaient vraiment créé et construit Nokia dans les années 90, et qui avaient collaboré très étroitement entre eux, sont entrés en conflit. Et il y avait un PDG de Nokia, Jorma Ollila, qui avait une personnalité un peu difficile. Ce qui avait été la diversité de l'équipe dirigeante est devenue une faiblesse parce qu'ils n'arrivaient plus à travailler ensemble. Et donc finalement, en 2005-2006, ils sont tous partis pratiquement. Et donc il y a une sorte de vide qui s'est développé au sommet. Donc si vous voulez, il y avait l'intelligence et la compréhension. Par contre, le lien entre on comprend ce qui se passe dans le monde et les menaces auxquelles on est confronté et la façon dont notre organisation fonctionne réellement, ce lien s'est affaibli. Et il y a donc eu ce paradoxe de dire on comprend mais on ne sait pas faire. Lorsque Nokia sort un smartphone, parce qu'ils en ont sorti quand même, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout au début, ça a très bien marché parce qu'ils étaient encore une fois les précurseurs. Et ils ont sorti les premiers smartphones, ça ressemblait un peu à des étuis à lunettes. Vous aviez un clavier, un vrai clavier, vous aviez un écran qui faisait une taille tout à fait correcte et vous aviez quelque chose qui était quand même tout à fait utilisable dans sa poche. Ça, c'est en 96 de mémoire. Ah oui, ça donc a très quand bien même marché. 11 ans avant bien Apple. Avant. Par contre, si vous voulez, là où ils ont raté le coche complètement, ça n'aurait pas été nécessairement sur la conception d'un smartphone en tant que produit, c'est sur ce concept où en disant finalement le portefeuille d'applications va permettre à chacun de nos clients individuellement de composer finalement le menu d'interactivité qui lui convient le mieux. Ça, ils ont raté ça. Et alors, a posteriori, évidemment, c'est toujours simple de dire une telle chose, mais personne n'a eu l'idée, par exemple, de développer sous Android. Ça a été... Pour Nokia, je veux dire. Ça, c'est une situation complexe. Il y a eu des contacts, si vous voulez. Google, qui est le développeur d'Android, est venu voir Nokia avant qu'Android soit connu, avant qu'Android soit introduit, avant même qu'on sache publiquement que Google développait une plateforme de télécom. Ils ont frappé à la porte de Nokia et Nokia leur a dit bah, « Écoutez, non, on fait notre truc à notre façon, on n'a pas besoin de vous. » Et donc, finalement, ils ont refusé une collaboration avec Google qui aurait pu effectivement permettre, à l'époque, Google disait « Avec votre marque, avec votre compétence dans les équipements et avec notre marque, notre compétence sur Internet et notre compétence dans les logiciels, on peut créer une alliance dominante. » Bon, Nokia a peut-être aussi eu peur du risque d'une fusion avec Google, qui était une entreprise extrêmement ambitieuse, extrêmement dynamique d'ores et déjà à l'époque. Ils avaient eu un peu la même réaction quelques années plus tôt avec Cisco, où Cisco avait cherché à collaborer avec Nokia. Donc Nokia a essentiellement refusé la collaboration. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Nokia ? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, vous qui êtes professeur à l'INSEAD, Yves Dos, qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'une marque a ce point... Alors, si vous voulez, il y a deux choses très différentes dont on peut parler une seconde. La partie téléphone a été vendue à Microsoft. Ils s'en sont finalement financièrement assez bien tirés. Microsoft n'a pas vraiment su qu'en faire et quelques années plus tard a tout fermé, a licencié 25 000 personnes et a subi 7 milliards de dollars de pertes. Retirer 7 milliards de dollars de son bilan. Et puis les téléphones Nokia ont disparu. Jusqu'à très récemment, si vous allez maintenant dans un magasin, vous pouvez trouver des téléphones Nokia, avec la marque, qui sont en fait fabriqués par Foxconn, financés par... Donc une marque chinoise. Une entreprise chinoise. Oui, une entreprise chinoise, sur le système Android, qui marche très bien, qui sont conçus en partie par une ancienne équipe de développement de Nokia. Mais ce n'est pas Nokia. Si vous voulez, Nokia, l'entreprise Nokia à l'heure actuelle doit toucher quelques euros chaque fois qu'un de ses téléphones est vendu. L'autre partie de Nokia... qui étaient en fait des équipements pour réseau et qui l'est toujours, ils ont essayé avec l'argent qu'ils ont obtenu de Microsoft de consolider l'industrie. C'est là où ils ont racheté la participation de Siemens dans leur activité commune. C'est là où quelques années plus tard, ils ont racheté Alcatel. L'intégration ne s'est pas tellement bien passée. Il y avait effectivement, et dans le contexte français, la France en a souffert, il y avait effectivement des redondances, des duplications entre ce qu'ils faisaient en Finlande, ce qu'ils faisaient aux États-Unis, ce qu'ils faisaient en France. Il faut aussi voir qu'à l'époque, Alcatel était déjà elle-même le résultat d'une fusion avec Lucent Technologies aux États-Unis, qui n'avait pas non plus très bien marché. Donc il y avait beaucoup à rationaliser. Et puis en plus, c'est maintenant un métier extrêmement difficile. C'est un métier extrêmement difficile pour deux raisons. Le métier de fournisseur d'équipements de réseau. La première, c'est qu'il y a les Chinois qui sont en force, en particulier Huawei, qui est une entreprise extrêmement performante et extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent très bien certaines technologies clés. C'est les seuls à l'heure actuelle à avoir vraiment une stratégie d'intégration sur une gamme relativement large entre système Internet, système télécom, équipement, etc. Ils en jouent assez bien. Ils jouent énormément sur l'intelligence artificielle, sur beaucoup de choses. Donc, Huawei est un concurrent extrêmement dangereux. Et en plus, bon, ils ont l'avantage d'avoir un marché énorme en Chine, d'avoir des coûts de production relativement bas et d'avoir une technologie tout à fait à la pointe. Dernière question, Yves Dose. Je lisais dans le Financial Times qu'Apple allait franchir la barre du trillion de dollars de capitalisation. La plupart des revenus d'Apple, en tout cas la première source de revenus, c'est l'iPhone. Est-il imaginable, je vais vous demander un exercice de prophétie, est-il imaginable de penser qu'un jour Apple pourrait perdre de sa superbe en matière de téléphonie et si oui, comment ? En toute honnêteté, oui. Premièrement, et deuxièmement, je suis tenté de dire, c'est que ça commence déjà à être un peu le cas. C'est-à-dire que si vous regardez les derniers développements dans le domaine des téléphones mobiles, vous voyez que c'est pas tellement ou c'est pas seulement Huawei, mais il y a toute une série de producteurs chinois. Ça a commencé avec Xiaomi il y a quelques années, c'est ZTE aussi, et maintenant d'autres. Donc, si vous voulez, progressivement, au fur et à mesure que le produit va devenir standardisé et de plus en plus mûr, ce qui est déjà plus ou moins le cas, l'avantage d'Apple, qui était fondé sur une technologie un peu en avance, sur une intégration avec différentes fonctions Internet et différentes fonctions d'informatique supérieure, et sur une qualité de design et d'image, l'avantage d'Apple va se trouver affaibli. Donc, je pense qu'effectivement, il doit y avoir beaucoup d'optimisme pour que la valeur en bourse soit effectivement, ou reste effectivement ce que vous disiez. Moi, je serais sceptique face à l'achat éventuel d'actions Apple à l'heure actuelle. Merci Yves Dose. Je rappelle que vous avez écrit Ringtone, un livre consacré à la réussite et à l'échec de Nokia. C'est aux éditions de l'université d'Oxford. Superfell a été raté par Anaïs Isebert à la production, gâché par Anthony Thomasson et Morgane Danan à la technique et dévasté par Alexandre Fougeron et Jean-Christophe Francis à la réalisation. Superfell.